sommes une association qui est née au mois d'août dernier, mais nous pratiquons les lectures en public depuis quelques années. Donc l'association s'appelle Un livre ouvert, Un offenes Buch. Et effectivement, notre objet, c'est de donner à entendre toute cette richesse littéraire de notre région dans ses différentes langues. Partout, en tout lieu, on trouve maintenant des livres de piété concernant le salut. Les doctrines des pères de l'Église, des Bibles et tant d'autres livres semblables que je m'étonne de ne voir personne devenir meilleur. Eine Weile sündigen. Ich kann mich später noch zu Gott kehren. Ich habe meinen freien Willen. Aber ach, wie falsch ist diese Hoffnung. Solche Vermessenheit besitzt der Fisch, der in die Reuse fließt, wenn er will, aber nicht wieder herausschwimmen kann, wie er will. Eine solche Vermessenheit besitzt der Wolf, der in die Grube fällt, wenn er will, aber nicht wieder emporsteigen kann, wie er will. So hast du wohl die Macht, in die Tiefe der Sünde zu versinken, aber du hast nicht die Macht, aus dem Abgrunde derselben dich wieder zu erheben. Über die Geizhälse ist une transcription en dialecte par Joseph Schmidt-Bill. Zeu ist zu nichts gut, solange es sie am Leben ist. Sie singt nicht wie Vögel. Sie fängt die Mugge wie das Rotbristel oder die Mais. Sie fährt uns nicht spazieren wie ein Russ. Sie fängt kein Mies wie ein Kotz. Dort süß nicht heden wie ein Hund. Gibt kein Wohl wie ein Hommel, kein Milch wie ein Kühe. Und dort den ganzen Tag nichts als sich mächten und alle Abfälle aus der Küche in sich aufnehmen. Nach ihrem Tod aber ist der Ari nicht sein Stegelfee und alle haben eine Freude an ihr. Von ihr kommen die Würstchen und die Metzelsuppe, wo alle Freunde und Nachbarn Freude dran haben. Und vom Bottel bis zu den Schnuffel wird alles rumpf und stumpf gegessen. Genau so ist es auch mit dem Gitzholz. Solange es lebt, ist er nichts nutz. Niemals genießt irgendetwas Gutes von ihm. Er nimmt alles in sich auf und will nichts abgeben. Ist er aber tot, so wären die fetten Stickle von der Erde abgeschnitten, bis es nichts mehr übrig bleibt. Und selbst der Teufel kommt nicht so kurz dabei, denn der bekommt seine Seele. Und am Ende dürfen wir noch seine Körper fressen. Sebastian Brandt von unnützen Büchern. Dass ich im Schiffe vorn ansitz, das hat für wahr besonderen Witz. Nicht ohne Ursache ist das. Auf Bücher ich mich stets verlass. Von Büchern habe ich einen großen Ort. Verstehe ich selten auch ein Wort, so halte ich sie doch hoch in Ehren. Will ihnen gern die Fliegen wehren. Au milieu des savants qui discutent de science, je tranche de mon pot. J'ai tout cela chez moi. Denn es genügt schon meinem Sinn, wenn ich umringt von Büchern bin. Le vieux roi Ptolémée avait accumulé tous les livres du monde qui étaient sa richesse. Il prenait de la place sans lui apprendre rien. Ich habe viel Bücher, gleich wie er, und lese doch nur wenig drin. À quoi me servirait de me casser la tête et d'encombrer mon crâne? Trop étudier rend sot. Ich gleiche sonst doch einem Herrn, kann zahlen einem, der für mich lernt. Zwar habe ich einen groben Sinn, doch wenn ich bei Gelehrten bin, so kann ich sprechen. Itab. So. Mais suis heureux qu'ici l'allemand fasse loi, car mon latin à moi ne sort de la cuisine. Ich weiß, dass Vinum heißt Wein, Guckus ein Gauch, und dass ich heiß Domine Doktor. J'ai caché mes oreilles pour qu'on ne pense pas en me voyant de loin à l'âne du moulin. Bucer, traité de l'amour du prochain. Gott hat alle Dinge um seinetwillen geschaffen. Darum sollten sie alle auf ihn gericht und ihm dienstlich sein, wie dann alle Gemacht ihrer Macher zu willen sein müsse. Toutes les créatures, vu qu'elles ne sont pas d'une essence comparable à celle de Dieu, ne peuvent en aucune façon seconder leur créateur dans son activité divine. De même qu'un objet fabriqué par l'homme ne peut l'aider dans sa sphère d'union humaine qui est la pensée et la parole. Le pot ne peut pas aider le potier à comprendre et à s'exprimer. Le tonneau ne peut pas aider le tonnelier. Mais dans un domaine inférieur, ces produits rendent de réels services à leurs producteurs. Par exemple, quand il s'agit de la nourriture du corps, dont nous avons besoin, aussi bien que des animaux, et qui n'est pas une affaire située sur le plan purement humain. Nous devons mettre en commun le savoir-faire de tous et échanger nos produits. Dans ce domaine, les produits sont utiles à leurs producteurs. Der Hafner verkauft sein Hafen, der Kiefer sein Fass, und kaufen dem Bäcker sein Brot, dem Metziger sein Fleisch ab. Ainsi, Dieu ne fait pas appel à nos services pour subsister dans son essence divine qui nous dépasse. Il n'en a nul besoin. Lui qui par lui-même est tout, possède et peut tout. Mais il nous a créés, ainsi que toutes les créatures, dans l'intention de faire connaître sa bonté. Il a voulu que quelque chose fût, qui, existant par cette bonté, en jouisse continuellement et la reconnaisse. C'est pourquoi nous, ces créatures, pouvons et devons l'aider dans l'exercice de cette bonté. C'est-à-dire que chaque créature doit se mettre au service de toutes les autres, avec tout ce dont Dieu l'a pourvu et doté, afin que de toutes parts s'élève et éclate la louange. L'Éternel est bon envers toutes choses, et sa bienveillance s'étend sur toutes ses œuvres. C'est ainsi que nous rappellerions le souvenir de sa grande bonté et chanterions sa justice. Nun, in diesem göttlichen Wesen sind alle Kreaturen noch, nur der Teufel und der Mensch. Ainsi que la création entière, qui ne devrait être utilisée qu'à la louange et à la gloire de son Créateur et pour notre salut et notre bien, a été profanée et dépravée par nos abus diaboliques et notre égoïsme. Les impies s'en servent pour leur propre perte et, dans la mesure de leurs moyens, pour celle des autres et outragent ainsi Dieu. C'est pourquoi la création soupire et vit dans l'angoisse avec tous les fidèles, également malmenés et maltraités par les impies dont le monde est plein. Elle attend la révélation des enfants de Dieu, car elle a été soumise à la vanité sans sa volonté. Les hommes sans foi ne sont que pure vanité et sont vides de tout bien, car ils sont vides de Dieu qui seul est bon. Ils se servent de toutes choses pour des fins totalement vaines. La créature leur est nécessairement livrée parce que Dieu a établi l'homme comme son maître. Während also die Kreatur unterworfen sein muss, weil Gott den Menschen über sie zu herrschen gesetzt hat. Morgengebet. Die Nacht ist hin, der Tag spricht an. Zu Gott ruft innig jedermann, dass er uns heut Herz, Mund und Hand bewahrt vor Sünd und Teufelstand. Die Zunge regiert mit Bescheidenheit, dass sie nicht anstift Herzenleid. Die Augen halt in steter Hut, dass sie nichts blendt der Welde Mut. Ein rein Herz gib nach Glaubensart, das allzeit schaut die Gottheit zart. Und mäßig leb, ohne falschen Wahn, dem stolzen Fleisch recht abzutan. Auf dass wir all zu Nacht mit Fleiß dir, Vater, sagen Ehr und Preis durch Christum mit viel minder Schuld und mit mehr deiner Gnade Huld. Gott Vater sei Lob, Ehr und Preis, dazu auch seinem Sohne weiß, des Heiligen Geistes Gütigkeit, von nun an bis in Ewigkeit. Côté suisse, un prêtre qui s'appelait Joseph Haas. En Suisse, la coutume veut qu'un prêtre assiste toujours les troupes au combat. Lorsqu'il fallut livrer bataille, le prêtre noua sur son dos son sac de cuir qui contenait les hosties. Puis il s'écria « Seigneur Jésus, fais en sorte de nous défendre par l'arrière. Moi, je me débrouille comme je peux par devant. » Et c'est ainsi que le prêtre sortit indemne de l'affrontement. An der Mailander Schlacht, ich bin der Schweizer Pfaff namens Jos Haas gewesen. Wenn sie han im Busch, wenn sie zerfällt, sehe alle Wille Pfaff mitzunehmen. Er, so wie man an die Schlacht gehen soll, bringt seinen Ledersack, in dem er den Herrgott hat, hinten auf seiner Buckel und spricht: Herrgott, wehr du dich hinten, ich will tapfer mich vorne wehren. Und kommt so auch ungeschlagen von der Schlacht. Thank you. paysanne et d'un étudiant désargenté venant tout droit du paradis. Un jour, un étudiant miséreux et à court de vivres arriva dans un village, la musette quasiment vide. Comme beaucoup de ses congénères, plutôt que d'ouvrir un livre et de l'étudier, il ne rêvait que d'une seule chose, se mettre les pieds sous la table. Il passa devant la maison d'un riche paysan qui était parti faire du bois. Sa femme, veuve d'un premier mari prénommé Jean et décédée quelques années plus tôt, se trouvait dans la cour à ce moment-là. Quand elle aperçut l'étudiant, elle lui demanda qui il était et d'où il venait. « Je suis un pauvre étudiant sans ressources et je viens de Paris. » La brave paysanne n'entendit pas bien sa réponse et comprit naïvement qu'il venait du paradis. Elle renchérit donc. « Vous êtes venu vraiment du paradis ?»« Oui, chère madame, » dit l'étudiant, flairant immédiatement une bonne nouvelle. « Très cher ami, venez avec moi à la maison. J'aimerais vous poser d'autres questions. » Une fois rentrée, elle le fit asseoir et dit « Très cher ami, j'ai déjà été mariée une première fois. Mon mari s'appelait Jean. Il est mort il y a de cela 3 ans. Ah, mon pauvre Jean, que Dieu est ta chère âme. Je sais qu'il est au paradis, car il était si bon et si honnête. Vous ne l'auriez pas vu là-bas ? » Quel est son nom de famille ? Il n'en avait qu'un seul. Il s'appelait Jean Mouton et il louchait un peu. L'étudiant feignit de réfléchir. Mon Dieu, mais bien sûr que si. Je le connais bien. Et alors, cher ami, comment va mon Jean ? Mal, à vrai dire. Le pauvre diable n'a ni vêtements ni argent. Et si ses camarades n'avaient pas fait le nécessaire jusqu'à ce jour, il serait déjà mort de faim. Mon Jeannot chéri, avec moi tu n'as jamais manqué. Et il a fallu que tu passes dans l'autre monde pour connaître l'indigence. Si j'avais su, je t'aurais donné suffisamment d'argent et de vêtements. Comme les autres, tu aurais pu disposer de ton argent à ta guise. Par la grâce de Dieu, tu as encore ici une si belle garde-robe. Si je pouvais t'envoyer quelqu'un, je le ferais tout de suite et le payerais bien en retour. L'étudiant, entendant cela, répliqua « Ah, ne désespérez pas, chère madame. S'il ne vous manque qu'un messager, je veux bien vous rendre ce service-là. Je compte me rendre prochainement au paradis, car il faut que j'apporte de l'argent à quelques personnes. » À ces mots, la paysanne bondit de joie et servit à l'étudiant de quoi boire et manger tout son sou. Elle alla chercher pendant ce temps ce qu'il fallait. Elle monta dans la chambre et prit dans le coffre contenant les effets de Jean plusieurs de ses chemises, 2 paires de chaussures, sa houppelande et quelques mouchoirs. Elle en fit promptement un baluchon facile à transporter, noua dans une étoffe blanche plusieurs ducats hongrois et de bons vieux deniers et donna le tout à l'étudiant, non sans l'avoir payé grassement, afin qu'il s'acquitta correctement de sa tâche. Après avoir bien bu et bien mangé, il chargea le sac sur son dos, remercia la femme et partit. Quand à midi sonné, son mari rentra du bois, elle courut à sa rencontre et s'écria « Cher époux, il s'est passé quelque chose d'étonnant, mais d'absolument véridique. Un homme était là ce matin. Il venait du paradis et connaissait bien mon Jean. Il m'a dit qu'il vivait dans une grande pauvreté. Je lui ai donc fait parvenir ses vêtements avec quelques ducats hongrois et quelques deniers bien frappés dont tu ignorais l'existence. Et si tu trouves à redire à cela, que le diable t'emporte. » Le paysan dit avec effroi « Mais c'est le diable que tu as logé dans ta bourse !» Puis il sauta sur son meilleur étalon et partit à la poursuite de l'étudiant. L'étudiant, lui, fuyait tout en restant sur ses gardes, car il se doutait bien de ce qui allait se passer. Aussitôt qu'il aperçut le paysan, il jeta le baluchon dans un taillis, trouva par hasard une pelle et une paire de gants de travail qu'il enfila. Lorsque le paysan arriva à sa hauteur, Il lui demanda s'il n'avait pas vu un homme avec un sac. Si, et même, quand il vous a vu, il a sauté par-dessus le taillis et s'est enfui vers la forêt. Pourriez-vous me tenir mon cheval, s'il vous plaît ? Demanda le paysan. Il faut que je le rattrape. Et il sauta le taillis en direction du bois. L'étudiant ramassa le baluchon, monta sur le cheval et disparut. Redouille, le paysan rebroussa chemin et ne trouva ni son cheval, ni celui qui était censé le tenir. Une fois à la maison, sa femme lui demanda s'il l'avait vu. Oui, bien sûr. Je lui ai même donné notre cheval, afin qu'il arrive plus vite. Brief an die Kirche zu Straßburg. Ja, mir selbst und nicht der Kirche habe ich freilich viel Unruhe gemacht und ein Verhalten angefangen, das vorhin bei unseren Weibern nicht gewöhnlich gewesen ist. Ist das die Sünde der Unruhe, die ich der Kirche gemacht habe, dass ich, da andere Weiber ihr Haus geziert und auf Hoffart ausgeschaut, zu Hochzeiten, Freuden und Tänzen gegangen, ich aber in armer und reicher Leute Häuser gegangen, mit aller Liebe, Treue und Mitleiden, Pestilenz und Sterben getragen, die Angefochtenen und Leidenden in Türmen, Gefängnissen und Tod heimgesucht und getröstet habe? Ich habe auch mehr Arbeit meinem Mund und Leib getan, als kein Helfer oder Kaplan der Kirche. Gewacht, gelaufen, Nacht und Tag, und vielmals zwei, drei Tage nichts gegessen, noch geschlafen. Weshalb mich auch mein frommer Mann nur seinen Helfer genannt hat, ob ich schon nicht auf der Kanzel gestanden bin. Ich habe das Evangelium helfen bauen, die Verjagten aufgenommen, die Elenden getröstet, Kirch, Predigtschul und Schulen gefördert und geliebt und so viel herrlicher, gelehrter Männer geehrt, geliebt, beherbergt, mit Mühe, Arbeit und Kosten heimgesucht mit meinem lieben Mann. Ihr Red und Predigt gehört, ihre Bücher gelesen, ihre Briefe und sie, die meinen, mit Freuden empfangen. Thank you. auch ihr, glaubhaften, gottgeliebten Weiber, Christus sagt, wer nicht mag verlassen Vater und Mutter, Weib, Mann und Kind und alles, was er hat, um meiner und des Evangeliums willen, der ist mein nicht würdig. Also ihr auch, wollt ihr Christen sein und mit ihm in seine Herrlichkeit gehen, so müssen ihr auch mit ihm leiden. Darum begegnet euch Schmach, ja, ob ihr würden im Halseisen gestellt, und das um Christi willen. Oh, wie selig seid ihr! Wollte Gott, dass er mich so gnädig und günstig ansehe und mir solch große Ehre gönnen wollt. Liebe Schwestern, ob aber schon etwa euer Glaube kleinmütig wird und das Fleisch wieder den Geist ficht, erschrecken darum nicht. Es ist ein seliger Kampf, also muss es sein. Der Glaub ist kein Glaub, der nicht angefochten wird. Bedenkt der Worte Christi, da er sagt, selig sind, die hier traurig sind, denn sie sollen getröstet werden. Für übel aufnehmen, noch euch an mir ärgern wollt, als ob ich mich jetzt in das Amt der Prediger und Apostel stellen möchte. Nein, gar nicht, sondern allein, wie die liebe Maria Magdalena ohne Vorbedacht ihrer Gedanken zu einer Apostelin ward, also ich jetzt auch. Paulus sagt, die Weiber sollen schweigen. Antworte ich, wisst ihr aber nicht auch, dass er sagt, Galater 3, in Christus ist weder Mann noch Weib. Und dass Gott im Propheten Joel sagt, im 2. Kapitel, ich werde ausgießen von meinem Geist über alles Fleisch, und eure Söhne und Töchter werden weissagen. Grimmsinnig. Ist sie kühlsinnig? Ist er viel grimmig? Ist sie stillstimmig? Ist er stillstimmig? Ist sie troststimmig? Ist er ungestimmig? Ist sie kleinstimmig? Tobt er aus Grimm? So weicht sie ihm. Ist er wütig? So ist sie gültig. Mault er aus Grimm? Redet sie ein ihm. Er ist die Sonne. Sie ist der Mond. Sie ist die Nacht. Er hat Tagesmacht. Was nun von der Sonne am Tag ist verbronnen, das kühlt die Nacht durch des Mondes Macht. Also wird gestillt auch was ist wild. sonst gern geschieht. Gleich man spricht. Zwei harte Steine malen nimmer klein. Et composé à Bâle en 1494 par Sebastianus Brandt, docteur en les deux droits. Je vous ai crayonné un bon nombre de fous afin que vous sachiez de loin les reconnaître. Qui s'appuie sur la force quand il est au pouvoir et qui tourne sa veste selon le vent qui souffle va pousser le cochon tout droit dans le chaudron. Qui met tout son plaisir à amasser des biens et n'a d'autre désir, est fou jusqu'à la moelle. J'ai un pied dans la tombe et je ne puis, et je ne suis pas loin de passer l'arme à gauche, mais je tiens à tout prix à garder ma folie. Qui laisse ses enfants pousser comme il leur plaît, sans les dresser jamais, s'exposera un jour à d'affligeants témoins. Celui qui ne sait pas dire carrément oui ou non, ni demander conseil dans les petites choses, pas plus que dans les grandes, portera à lui seul le poids de ses déboires. Celui qui croit que Dieu n'est que miséricorde, sans être justicier, n'a pas plus de raison qu'une oie ou un cochon. S'associer aux noceurs et s'adonner au vin, c'est prendre l'assurance de finir comme un gueux. Celui qui a du bien et s'en délecte seul, sans jamais donner rien aux pauvres miséreux, se verra refuser le soutien imploré. Qui veille sur sa bouche et bien retient sa langue, préserve de noirceur son âme et son humeur. Le bruit que fait le pivert peut trahir sa couvée. Qui veut montrer aux autres le bon chemin à suivre et patauge lui-même dans la boue et les mares et démuni de sens et bide de sagesse. Celui qui est trop sûr de faire son salut, de détenir la chance sans qu'elle lui échappe, sera frappé un jour par un coup de tonnerre. Vouloir garder la femme qu'on a pu acquérir serait vouloir garder un vol de sauterelles qui sont au soleil. Celui qui est monté au sommet de la roue de la fortune devra bien se garder de ne pas retomber et de boire un bouillon. Que je n'ai d'intérêt que pour le temporel et ne me soucie pas des grâces éternelles paraît tout naturel, car je suis fils de singe. Qui n'a d'autre raison pour choisir un parti qu'un gros magot à prendre, accumule misère, dispute et chagrin. Il n'est si grand empire sur notre vaste terre qui ne trouve sa fin quand son heure est venue. Volontiers, bien des hommes voudraient caracoler, parader jour et nuit, mais pourvu seulement que des femmes soient là, qui laissent rarement en repos passer l'âne. Les usuriers pratiquent un métier illicite. Ils sont durs pour les pauvres et ne se soucient pas que le monde en périsse. Plus d'un fou se réjouit d'hériter un magot. Mais ceux qui, à leur tour, le porteront en terre, iront gauler les noix avec ses propres os. C'est être sans cervelle que d'avaler tout cru n'importe quel bobard. Les langues de vipère sont toujours incendiaires. Qui vérité proclame, fait aboyer les chiens, empêchant qu'on l'entende. Lorsque le malheur frappe, il faut être insensé pour ne vouloir comprendre qu'il faut s'y adapter avec intelligence. Le malheur ne pardonne que si on le respecte. La force et la noblesse. Le luxe et la richesse. La fleur de la jeunesse. Vivent-ils devant toi dans la sécurité ? Ô mort inexorable. Tout ce qui a pris vie. Devient un jour ta proie.